Maintiens vive les observations. Ce qu'on peut avoir. Robert a faim. J'ai raison. Vous avez tort. Elle a horreur de la chimie. Vous vous rappelez qu'on peut aussi avoir 20 ans. Le temps. De la fortune. Envie de partir. Mal à la gorge. Le teint frais. L'air fragile. L'air de s'ennuyer. Beaucoup d'autres choses.